Radiomatique. La formation britannique Low Fidelity All Stars lançait la transmission 435 d'Audiomatique grâce à sa pièce What You Want, tirée du deuxième album intitulé Don't Be Afraid of Love, paru en 2001. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Meat Beat Manifesto d'assurer la continuité à Audiomatique. Do you accept your existence? with a certain peace of mind? Well, I accept my existence. I don't accept the situation that I find myself in on this planet now. I think that's a real struggle. The situation being? That I live in a culture which is permeated by dominance and oppression, and that's not only within my culture, but it's around the world. They laugh at you, or they jump out of cars, they rob you. Somebody probably giggle at you. That's a violation of your civil rights. Gunpeg. That's what the world is full of. That's what it's based on. That's what this economy is based on. Are you telling me that you don't see the connection between government and laughing at people? Listen, somewhere they got to hang up. I would take my belt off and I would whack. He begged folks, you know, I'd slide him across the face. I think they should be with fish. And they, that way they could only prey on fish. Possibly fines, exile. Mental institution. Correction, place you could use a baseball bat on. A good whack in a sheep. They might even jeopardize the fish. Dog, not halibut. Contamination. In that house. The Alcatraz jail. I don't know you people. Why are you here? Nothing. Audiomatic, c'était le duo britannique Orbital, formé des frères Phil et Paul Hartnell, de qui on entendait la pièce I Don't Know You People de son cinquième album The Middle of Nowhere, lancé en 1999. La pièce I Don't Know You People d'Orbital contient des échantillonnages du film d'horreur The Legend of Hell House, réalisé en 1973. Précédemment à Orbital, et ce qui amorçait par le fait même ce bloc musical, était le groupe anglais Meatbeat Manifesto, mené par Jack Dangers, de son quatrième album Satyricon, qui a été lancé en 1992. Nous entendions la pièce Your Mind Belongs to the State, qui contient des échantillonnages d'entrevues avec le groupe The Monkees, tiré du film Head, réalisé en 1968, et également des échantillonnages du documentaire The Big Bang, réalisé par James Toback en 1989. Audiomatic se poursuit sur une collaboration magistrale entre l'artiste Sam Shepherd et son projet Floating Points, le saxophoniste Feu Farrah Sanders et le London Symphony Orchestra. Thank you.

Radiomatic, nous venons tout juste d'écouter la musique de l'artiste italien Claudio Porcedu, qui compose sous le pseudonyme de Claudio PRC. Et la pièce que nous avons entendue, Arctic Movement, apparaît sur la compilation, en fait, apparaît exclusivement sur la compilation Isolated, produite par l'étiquette de disque française Ultimate Records. Et avant cela, nous entendions le septième mouvement de l'œuvre Promise, issu d'une collaboration qui nous mène à l'intersection de la musique électronique, du jazz et du classique. Cette collaboration se matérialise entre l'artiste Sam Shepherd et son projet Floating Point, le défunt saxophoniste Farrah Sanders et le London Symphony Orchestra. L'œuvre, qui comporte 9 mouvements, a été publiée en 2021, soit un an avant le décès de Farrah Sanders. Il s'agit d'ailleurs de la dernière contribution de celui-ci au monde de la musique. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation Necessary Intergalactic Corporation. We'll be right back. Yeah. Nous avions droit à Audiomatique au projet anglais Belka and Strelka, mené par Dom Becken, de son premier album Tales from the Projector Room, paru en 2006. Nous entendions la pièce 5. Tout juste avant Belka and Strelka, nous avons entendu le groupe américain Talking Heads, de son deuxième album intitulé More Songs About Buildings and Food, nous vous avons présenté la chanson Warning Sign. Et pour amorcer ce segment musical, c'était la formation Necessary Intergalactic Corporation. De son album homonyme sorti en 2007, nous vous avons offert la pièce Green Room. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la musique du projet Winterricket, de qui nous entendrons la pièce Nebel der Verzweiflung, tirée de l'album Entlegen, paru en 2013. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et voici donc pour terminer Winterricket et la pièce Nebel der Verzweiflung. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.